tequila fort, tequila fort. Posons nous les bonnes questions. Tequila fort, tequila fort. À ce moment, tequila fort, tequila fort. Posons nous les bonnes questions. Tequila fort, tequila fort. On a belle raison, belle raison. On a des plaies en abondance. Les chocs, mon cœur va s'ouvrir. Ne vois-tu pas qu'on prend l'enfer sur terre avec le sourire. Athéna, le temps tourne et je dois faire ma place, moi. Regardez les preuves, ma belle, j'en tête, on les remplace, moi. Une chose est sûre, là, tu me feras pas avoir par une bande de cons. Règle numéro 1, il n'y a qu'à Dieu qu'on va rendre des comptes. Combien de mecs en état d'ivresse, vécu de bâtard, je suis peut-être pas le bon exemple pour ton petit frère. Et oui, la vie nous attaque, j'ai laissé faire le poison. On a cané des gros requins, gros caisse, une part de poisson. Une bonne éducation, respecte trop pas sur un trottoir. Et je suis fier de vous dire qu'on perd des hommes, il en faut trois. C'est pas le pire que l'on côtoie, on sait que nos vies ne font pas à plaindre. Je pense à toutes les familles du monde qui ce soir n'auront pas de pain. Et pour la part Athéna, laissez croire qu'on est faible. Une plaquette dans les poumons, toujours le cerveau en éveil. À qui la faute, à qui la faute. Posons-nous les bonnes questions. À qui la faute, à qui la faute. À ce combat. À qui la faute, à qui la faute. Posons-nous les bonnes questions. À qui la faute, à qui la faute. On en perd la raison, perd la raison. La musique ne mourra pas et je prendrai pas la grosse tête. Je suis trop lucide pour ça, même quand je viens d'éclater un gros der. L'argent ne m'achète pas, je préfère le voler. Quand l'univers s'est violé, mais tout le monde ferme ses volets. En plus obligé, noter que ton frère t'empêche de monter. Pourquoi faire de mon corps une arme quand j'en ai à volonté. Il s'en faut plus pour qu'un défaut devienne une qualité. En France, la première source du mal, c'est l'inégalité. On passe notre temps